Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. This is a message to Canada and all the American Tawagit. We are coming and we will destroy you, bidnillahi ta'ala. After Sham, after Iraq, after Jazeera, we are going for you, Barack Obama. Cette semaine, le nerf de la guerre. Oh mes frères de France, mes frères en Allah de France, d'Europe et du monde entier, Inch'Allah. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Dans les dernières heures de la bataille, les derniers djihadistes encerclés ayant tenté une ultime sortie, la mort change de camp. L'ampleur des frappes, leur répétition... leur permanence a permis de bloquer Daesh. Terrorisme et financement. En 2017, plus de 4000 attentats ont été revendiqués par Daesh dans le monde, soit plus que l'année précédente. Aujourd'hui, si l'organisation terroriste n'a plus d'État, elle attire toujours des volontaires pour mener le combat qu'elle finance depuis des années grâce à des complicités politiques et à de grands donateurs. Après le 11 septembre 2001, le contre-terrorisme occidental s'est employé à assécher les ressources du terrorisme, mais ses remparts s'avèrent insuffisants, voire inutiles, face au modèle économique et financier mis en place par l'État islamique. Contrairement aux autres organisations, Daesh contrôle ses propres territoires, développe des circuits alternatifs. Quelles sont les réponses de la coalition face à un ennemi qui ne cesse de se renouveler ? Éléments de réponse avec le nouveau documentaire proposé par Histoire Vivante, L'argent de la terreur. Zarqawi a compris qu'il ne pourrait pas survivre, que l'organisation ne pourrait pas se développer s'il s'appuyait uniquement sur la base d'Al-Qaïda et sur sa hiérarchie pour financer ses opérations. Le groupe devait apprendre à mieux gérer ses finances et développer sa propre économie. Pour se financer, Zarqawi avait deux sources. 20% venait de l'argent d'Al-Qaïda et 80% relevait de l'autofinancement. Tout cela à hauteur de 580 000 euros par mois. Zarqawi s'autofinançait essentiellement avec des raptes de politiques, d'hommes d'affaires, de journalistes, de chefs d'entreprise du bâtiment, ainsi que par des taxes qu'il imposait sur les habitants et les commerçants. Une dernière source de financement a permis à Al-Qaïda de prospérer à cette époque. L'argent des pays du Golfe. Saddam Hussein en bénéficiait déjà lorsque l'Irak et les pays du Golfe avaient pour objectif d'écraser les Iraniens chiites. Les personnes qui finançaient Saddam Hussein avant 2003 sont les mêmes qui ont financé le terrorisme après 2003. Les sources sont connues. Les pays du Conseil de coopération du Golfe, les hommes d'affaires du Golfe, les associations de la société civile des pays du Golfe, les institutions religieuses du Golfe, les mosquées ou même parfois les structures gouvernementales. Il existe même des preuves qui démontrent l'implication des services de renseignement des pays du Conseil de coopération du Golfe. Selon cet expert, Daesh détient encore des ressources financières pour assurer sa survie pour 15 ans. Le groupe aurait en effet investi de 250 à 500 millions de dollars dans une multitude de sociétés irakiennes qui travaillent parfois pour Daesh sans le savoir. Seule une coopération internationale sans faille pourra freiner cette mondialisation de la terreur. Une politique des petits pas qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. Un extrait de L'argent de la terreur, documentaire à voir dimanche soir sur RTS2. Valérie Montmartin, productrice du documentaire L'argent de la terreur. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Je m'appelle Valérie Montmartin, je suis productrice, je dirige une société française qui s'appelle Little Big Story et qui est basée à Paris, qui produit du documentaire, développe de la fiction et un long métrage d'animation. Alors, je lis sur Little Big Story ces lignes, elles sont peut-être sans doute de vous. Valérie Montmartin est une société de production audiovisuelle française basée à Paris, c'est ce que vous venez de nous dire, dédiée au documentaire, au format long et à l'international. Elle entend revisiter les modes narratifs en croisant les formes, les genres et les supports afin de raconter des histoires qui mettent l'époque à nu. Mettre l'époque à nu, c'est faire des films politiques. Quand je dis politique, je veux dire politique avec un grand P. On a une parole qu'on porte avec les films. Les réalisateurs portent en eux des idées, ils défendent des points de vue. Et nous, on a envie de produire des films qui défendent des points de vue, qui décryptent, regardent le monde pour le déshabiller, en quelque sorte. Des points de vue que vous partagez ou avec lesquels vous pouvez être en opposition? Non, mais les points de vue qu'on défend avec les films, on les porte parce que c'est trop long de faire un film. Ça prend des années. Et même un film documentaire, ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Et vu que je suis les films au plus près, c'est aussi 3 ans de ma vie. Donc non, il faut que je sois en accord avec les idées que porte le film. Afin également que ceux qui nous écoutent suivent un peu la connaissance de ce paysage au fond mal connu. Le spectateur, le téléspectateur regarde le documentaire, mais il ignore beaucoup des coulisses. Et dans les coulisses, il y a cette expression que l'on tire de votre page de Little Big Story, Valérie Montmartin. Little Big Story, dites-vous, a tiré les leçons d'un marché émietté et d'une révolution audiovisuelle en cours. La révolution audiovisuelle en cours, on la devine évidemment, mais ce marché émietté, quel est-il? En fait, ce qui est compliqué aujourd'hui dans le marché de l'audiovisuel, qu'il soit français, européen ou mondial, c'est qu'en effet, avec les plateformes, il est délinéarisé. Et mon pari, c'est de rester sur des projets de qualité. C'est pas de faire du volume pour nourrir les antennes, essentiellement françaises, du documentaire, mais aller sur des projets où je peux m'associer avec d'autres producteurs, dans d'autres pays, avec d'autres points de vue, d'autres financements aussi, travailler avec eux sur des projets où on maximise, on va dire, les budgets, on monte les budgets de manière à ce que le film soit le plus solide financièrement possible, ce qui nous permet une grande liberté. En fait, quand même, quand les films sont bien financés, on est plus libre, surtout si on s'est allié avec des partenaires qui sont des partenaires exigeants. C'est le cas de mes partenaires ailleurs dans le monde. Tiens, ôtez-moi d'un doute, Valérie Montmartin. Quand on arrive à avoir les financements qu'il faut pour fabriquer un documentaire politique ou géopolitique, est-ce à dire et est-ce à comprendre que le contenu ira dans le sens du poil, pour le dire de manière raccourcie, et permet ainsi d'obtenir les financements adéquats pour le film. Autrement dit, est-ce que toute approche éditoriale arbrousse-poil peut avoir du mal à monter son financement au niveau de la production? Alors certainement pas. C'est même l'inverse parfois. D'abord parce que nos partenaires étrangers sont souvent représentants des chaînes publiques et ils ont une forme de liberté éditoriale qui est réelle. Ils défendent aussi des idées. Les gens qui représentent le service public ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde, d'ailleurs, je pense aussi au Canada, défendent des points de vue, ont envie que le documentaire reste riche, diversifié, etc. Donc au contraire, j'ai même un exemple. Moi, je produis un film pour Arte France, qui est aussi soutenu par la RTS. La RTS étant d'ailleurs rentrée dans ce film à l'initiative du projet, qui au départ donnait le sentiment que personne voudrait de ce film. Il s'appelle Numéro 387, il raconte l'histoire des médecins légistes italiens qui travaillent sur le plus gros naufrage de migrants en Méditerranée pour retrouver l'identité de ces 800 morts en Méditerranée. Et au départ, tout le monde nous a dit, c'est un film sur les migrants, personne ne viendra. Aujourd'hui, j'ai 16 diffuseurs internationaux sur ce film, qui ont préacheté le film, qui sont venus. Nous, on l'a présenté dans le monde entier au stade de projet. C'est un film qui sera bientôt terminé et qui est soutenu par énormément de chaînes publiques. Qu'est-ce que c'est que cette première réponse un peu formule « personne ne viendra » Comment vous la traduisez? D'abord, probablement parce que la thématique des migrants, en quelque sorte, je mets bien les guillemets, a été peut-être un peu saturée. En tout cas, certains se disent, il y a eu beaucoup de films là-dessus, donc ça sera compliqué d'en faire un de plus. Et puis, il faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face. Parfois, les diffuseurs ont peur de faire de mauvaises audiences sur ce genre de thématique. Mais finalement, sur ce genre de projet très ambitieux ou très difficile, puisque c'est un, en l'occurrence pour numéro 387, c'est un film difficile, mais magnifique, eh bien, ils sont venus. Parce qu'il porte une idée qui est une idée magique, folle, de retrouver l'identité de gens qui ne... Alors même que personne ne la cherchait, en quelque sorte. Mauvaise audience parce que des images crues ? Non, parce qu'on est dans une Europe et dans une période où la réaction face aux migrations est très complexe, avec des régimes politiques, même en Europe, qui défendent des idées parfois xénophobes. Et donc, on a des populations qui votent aussi pour ces partis qui peuvent être populistes, ou voire même xénophobes, on le voit en Hongrie ou en Italie. Et donc, la peur aussi que les lecteurs soient aussi le téléspectateur et qu'ils rejettent le programme proposé par la chaîne. Mais je vous dis, ça marche pas à tous les coups. Il y a des fois, et souvent, les chaînes publiques ont quand même plutôt du courage sur ces thématiques. Valérie Montmartin, parmi les nombreux opus sur lesquels vous travaillez, il y a ce documentaire que nous aurons l'occasion de découvrir dimanche soir sur RTS2, que j'ai pour ma part vu aujourd'hui même. Je pourrais dire que c'est un documentaire, il est intitulé « L'argent de la terreur », qui s'ouvre sur une série de plans qui alternent, alors en cartographie, imaginez la cure d'amaigrissement du groupe Daesh opéré sur plusieurs années jusqu'à la période la plus contemporaine, comme quoi certains régimes marchent, et des plans en travelling, ceci ce n'est plus de la cartographie, c'est une caméra qui est peut-être sans doute dans un véhicule et qui filme en travelling des ruines. Ce parti préesthétique, il est devenu aujourd'hui assez rare à la télévision. Vous nous en dites un mot ? Oui, alors c'est, L'argent de la terreur, c'est un film vraiment difficile à faire. D'abord parce que il se passe sur des terrains qui sont très difficiles pour les équipes. C'est difficile de s'y rendre. Évidemment, pour représenter ces lieux, c'est vrai que ce qui est évocateur était plus approprié. Par ailleurs, en effet, la terreur, le terrorisme, c'est un peu la fin du monde. Donc les ruines, elles sont la conséquence des politiques qui ont été menées par ces groupes. L'équipe a souhaité aussi, à travers ce film, donner le sentiment qu'on était dans un film d'espionnage également. Parce que oui, il y a des ruines sur la partie, on va dire, moyen-orientale du film. Mais il y a aussi un esprit dans ce film qui est un esprit plus d'espionnage dès qu'on se rend aux États-Unis, dès qu'on est ailleurs. Parce que, évidemment, c'est une géopolitique qui s'est jouée sur les décisions concernant le financement du terrorisme. Valérie Montmartin, quand un ancien des services secrets finit par se dévoiler, il est toujours difficile, délicat de décrypter la véracité des propos. Entre le vraisemblable et le véridique, il y a tout un monde. Alors comment on fait ce genre de... Alors, effectivement, il peut mentir, il peut dire ce qui l'intéresse ou ce qui l'arrange ou ce qui lui permettra de sortir de ce conflit un peu blanchi. Le travail a été un travail, évidemment, de longue haleine, qui permettait de croiser les intervenants, leur point de vue, je veux dire, sans les avoir tournés. Il y a eu un travail de pré-enquête et de pré-interview qui a été considérable, et ceux qui ont été interviewés étaient ceux qui nous paraissaient être les plus pertinents pour le récit et surtout les plus fiables. Cependant, le film a été aussi revu et il y a eu un travail important avec des spécialistes pour qu'on soit certain en fait qu'il n'y avait aucune erreur, qu'elle soit historique, géopolitique ou même de manipulation en fait du propos. Donc que ce soit Jean-Pierre Perrin pour le Moyen-Orient, que ce soit Guillaume Perrier pour la Turquie, enfin on a eu, en plus de tout le travail fait par l'équipe, des recommandations, des conseils de ces spécialistes. Et du coup, au travers de ces opérations de filtre, avez-vous été amené à ôter certaines interventions? Non, le travail avait été bien fait. Parlons mise en scène, Valérie Montmartin, parlons esthétique. Après tout, il n'est pas si courant de parler d'esthétique quand on parle de documentaire, puisque peut-être, sans doute, moi dirais-je, à titre de téléspectateur lambda, la forme me paraît souvent expédiée. Là, on a du temps, on prend le soin de pouvoir respirer entre les plans, on est sur un thème et sur des thématiques, je dirais pas difficiles, mais en tout cas complexes, qui laissent au cerveau... qui donne au cerveau beaucoup d'informations, et il faut du temps pour les intégrer, ces informations. Et ce choix de respiration... Alors, je prendrai un exemple. Sur toute la partie du tournage qui a été faite en Irak, on a travaillé avec Laurent van der Stock, qui est photographe, qui a eu le Visa d'Or à Perpignan l'an dernier, qui est un photographe très connu sur la photographie de guerre, et qui connaît parfaitement l'Irak pour faire des photos pour Le Monde depuis des années, et lui couvre l'Irak depuis 17 ans. C'est un photographe qui a un sens esthétique très développé, donc c'est lui qui a mis en image toute la partie irakienne qui est très importante dans le film. Ce qui permettait d'avoir le regard aussi, comme chef opérateur, d'un photographe très connaisseur, fin connaisseur de ce territoire. Il en connaît les moindres méandres. Ça permettait aussi d'illustrer ce territoire avec ses respirations. On gagnait du temps aussi à travailler avec quelqu'un comme Laurent van der Stock. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de chercher le meilleur point de vue, il le connaissait. Donc ça permettait, parce que ces territoires, c'est très compliqué pour les équipes. On ne peut pas les laisser des jours et des jours et des jours. Hein. Il y en a des problèmes de sécurité pour les équipes, donc il faut arriver à tourner dans un délai relativement rassemblé, mais arriver à créer quand même une esthétique. Bah, vous tombez juste sur le mot sur lequel je voulais que nous poursuivions cet entretien, Pierre-Raymond Martin, l'esthétique de la ruine. Ça contient une sacrée ambiguïté quand même. Quand on est productrice d'un engin pareil, de quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est amener le téléspectateur quand même par l'esthétique à contempler de la tragédie, et si tel est le cas, c'est qu'est-ce qu'on va chercher chez le téléspectateur comme fascination? Alors là-dessus, je partage pas votre point de vue. Je ne trouve pas que le film mette en place une esthétique qui pourrait amener le téléspectateur à contempler la tragédie. Je pense au contraire que c'est un film qui allie ce que vous dites, à savoir de la respiration et du temps qu'on prend dans les images, mais qui allie aussi un texte qu'on appelle le commentaire, qui est clair, informatif, didactique, qui prend le temps d'expliquer pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'on n'est pas à un moment à Mossoul ou on n'est pas en Irak par hasard. On y est parce que dans le film, dans le process narratif du film, on explique des choses qui nous emmènent là. On explique comment tout s'est déclenché à partir de 2001, comment les décisions américaines de 2003 vont générer un terrorisme qui va devenir un terrorisme qui impactera plus tard jusqu'à chez nous. Bref, et on explique petit à petit comment tout ça s'est financé et quelles sont les raisons, parfois politiques, parfois géopolitiques, parfois subtiles, parfois très locales, de la croissance de ce terrorisme et de son financement. Donc, je crois que c'est un film qui contemple pas pour contempler, mais qui nous donne à voir des choses pour mieux les comprendre. Dans ces plans de respiration, je pense à un, notamment, où la caméra est placée de telle manière, elle est fixe, et des véhicules circulent. Certains apparaissent dans le champ par la gauche, d'autres par la droite. Assez mystérieusement, on ne sait pas exactement comment certains véhicules se mettent à apparaître. On comprend que la route est certainement en contre-plongée. Et ce temps un peu énigmatique, afin que on saisisse peut-être que comment la route fonctionne, c'est un temps d'autre chose, c'est un temps esthétique. On est dans autre chose que dans l'explication, dans la pédagogie. On est dans quelque chose où il faut maintenir, et c'est tout à fait normal, l'attention du téléspectateur. Oui, évidemment, le film n'est pas qu'un film pédagogique. Il allie les deux, ce que vous décrivez et ce que j'expliquais juste avant. Et je pense qu'en documentaire, c'est l'espace que le documentaire permet par rapport à l'espace du reportage, qui est plus... qu'il y a un temps de récit plus ramassé, où on va vers factuel plus directement. Le documentaire permet de raconter des histoires qui sont parfois très informées. C'est le cas de ce documentaire. Il n'y a pas de, ça reste factuel aussi, mais ça donne à voir aussi du cinéma. C'est des images, des lieux, comme vous dites, des lieux qui ne sont plus que des poussières parfois, ou parfois juste un tissu qui vole au vent. Bon, parce que la désolation de la guerre, c'est aussi ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi j'aime produire des documentaires, c'est-à-dire que on les réfléchit, on les pense. Les documentaires sont aussi scénarisés au sens où ils sont tellement travaillés en amont qu'on peut écrire les films avant de les tourner, mais ils sont à la fois factuels, on est sur les faits, et à la fois on donne à voir et à réfléchir à autre chose que uniquement ce qu'on dit. Voilà. Quelque chose existe également qui intéresserait certainement un physicien comme Étienne Klein, c'est le rapport au temps. Au travers d'un des intervenants, on mesure la façon dont le temps s'est considérablement accéléré concernant ces questions contemporaines de terrorisme. C'est un de vos intervenants qui dit « La bascule de l'ennemi, c'est plus l'Occident chrétien, c'est le mécréant iranien ». C'est à un certain moment où effectivement l'ennemi, d'une certaine manière, a changé. Et quand on mesure, par exemple, pour la seule année 2017, le nombre d'attentats, 108 semble-t-il, mais le nombre est évidemment approximatif, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en France, en Russie, en Suède, en Turquie, en Somalie, au Mali, en Israël, au Pakistan, en Égypte, Niger, Afghanistan, Philippines, Cameroun, Algérie, Australie, Nord-Américain, Burkinabé, Finlandais. J'imagine que pour la narration, c'est particulièrement complexe à raconter. Comment on s'y prend ? Oui, sur ce récit, ça faisait partie des choses qui sont des éléments qui étaient effectivement très complexes. Ce qui était complexe, c'était ça, la démultiplication des attentats, même il y en a eu pas mal pendant la fabrication du film, et aussi l'instabilité des zones dans lesquelles, du coup, on peut se rendre. Donc effectivement, c'est la différence avec la fiction. Le documentaire, on doit quand même aller chercher le réel là où il est, donc effectivement, les tournages peuvent être retardés parce que tout d'un coup, un pays, on ne peut plus y rentrer, ou il faut désormais des autorisations, ou ces pays-là, je pense à la Turquie notamment, où aussi il y a eu beaucoup d'attentats. La Turquie a pris la décision d'arrêter beaucoup de journalistes, mais aussi des journalistes qui étaient des journalistes français. Donc des équipes de réalisation françaises étaient en danger aussi à poser le pied sur le sol turc, etc., etc. Donc effectivement, le travail en matière documentaire sur le réel, notamment sur ce réel-là, qui est un réel mouvant et qui est un réel particulièrement dangereux, eh ben est difficile et nécessite une adaptabilité permanente, c'est-à-dire qu'on doit revoir ce qu'on avait prévu de tourner, réécrire le film, repartir sur d'autres pistes. Donc en effet, on est obligé d'ouvrir des pistes, travailler sur certains territoires, et puis on prend la décision qu'on ne se rendra pas sur tel territoire, ou qu'on se rendra sur ce territoire-là qui est dangereux, mais on démultipliera pas les territoires dangereux. Bon, c'est des décisions qui se prennent au fil de l'eau, en fonction aussi de ce que ramène l'équipe et de l'analyse qu'on fait régulièrement sur le film. C'est vrai que les films, en particulier les films géopolitiques et d'investigation sur des territoires difficiles, sont des films qui s'adaptent en termes de production au fur et à mesure. Et c'est parfois frustrant parce qu'il y a un travail choses... empirique. Oui, mais qui reste, où on sait que la grande architecture, le squelette de ce que devait raconter le film sera maintenu. On sait qu'il est là. On sait qu'on a les intervenants, qu'on se rendra dans... Mais il y a une base, on va dire, de 70% du squelette de la narration qui est posée. Et puis après, on est obligé de varier. Notamment, notre gros problème a été la Turquie. Plus que l'Irak, parce que l'Irak, on peut s'y rendre. L'Irak, le problème, c'était de se déplacer, d'aller à Mossoul, etc. Donc, il y avait des situations, une situation difficile, d'autant qu'une équipe française et suisse étaient décédées pendant la période du tournage. Donc, on avait des mesures de précaution à prendre qui étaient supplémentaires. On avait aussi des gens qui ne voulaient plus aller en Irak dans l'équipe pour des raisons de sécurité. Mais la grosse difficulté, le nœud pour le film, était tous les intervenants turcs qui soit avait quitté le pays, soit se planquait, soit était mis en prison. Voilà, entre quand le film a été écrit, il y avait beaucoup de Turcs dans le film, et quand le film a été fini, il a été fait avec moins de Turcs que prévu. Voilà, c'était inévitable puisque beaucoup de nos intervenants sont en prison aujourd'hui encore en Turquie. Raymond Martin, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire la question que j'ai écrite. Bon, c'est pas tellement d'ailleurs une question, c'est peut-être d'ailleurs une remarque. Un documentaire qui vise à faire comprendre des mécanismes, des stratégies et des alliances souvent biscornues participe à la fois de l'éclaircissement, mais également du découragement, voire peut-être du brouillage. Les chaînes de télévision semblent de plus en plus demandeuses de pareils sujets et nous incluent, nous forcent un peu à gober du présentisme à tout craint. Alors, quand on fait du documentaire et qu'on essaye, et on vous a entendu, de décortiquer, d'expliquer avec toutes les épreuves, toutes les entorses, toutes les fractures possibles et imaginables dans la construction d'un documentaire, ce type de tour de force à titre individuel, est-ce que ça continue d'encourager malgré tout, ou est-ce qu'on passe par des zones d'abattement, ou les deux, mon commandant ? Vous me demandez à moi directement ? Non, à votre voisine qui est derrière, Frasbo. Hein. Non, mais moi, je suis pas faite d'un bois qui peut se décourager. Donc, le découragement, non. Les difficultés qu'on doit surmonter, oui. Je continue à croire que les films qui racontent le monde de manière politique, quel que soit le champ sur lequel on travaille, ont leur place, ont leur public et sont nécessaires à la vie citoyenne. Voilà, donc moi, je peux pas du tout avoir... C'est très brechtien, ça, comme attitude, bah, finalement. Oui. Mais tant mieux. Oui, je crois pas du tout à l'efficacité d'un quelconque découragement, hein. Je crois qu'il faut qu'on fasse, qu'on fabrique, qu'on raconte des histoires, qu'on présente des personnages, qu'on montre que les gens ont des choses à dire et qu'on rende, mais c'est un peu présomptueux, hein, mais le téléspectateur plus intelligent. Voilà. En tout cas, vous avez un très bon titre en germe de l'inefficacité du découragement. Valérie Montmartin, vous nous redonnez le titre de ce documentaire, je vous prie. L'argent de la terreur, produit par Little Big Story. Et c'est à voir dimanche soir sur RTS2. Merci de votre visite au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, avec la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.